Piété filiale. Birrul walidain. L'islam ordonne aux musulmans de montrer de la gentillesse, du respect et de l'obéissance à l'égard des parents. Et il met vivement en garde contre le fait de montrer des signes d'irrespect ou de désobéissance envers eux. Allah, qu'il soit glorifié, dit: « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être vertueux envers les parents. Si l'un d'entre eux ou tous les deux atteignent l'âge de la vieillesse, alors ne leur dites pas « ouf », ne les rabrouez pas, mais plutôt adressez-leur des paroles gentilles. Sourate Le Voyage Nocturne, 23e verset. Montrer de la bienveillance envers les parents est une des actions les plus aimées et parmi celles qui rapprochent le plus d'Allah. Elle est une des clés du paradis. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: qu'il soit malheureux. Lorsqu'on l'interrogea à propos de cette personne malheureuse, il répondit: celui qui est présent au moment de la vieillesse de l'un de ses parents ou de tous les deux et qui ne rentre pas au paradis, du fait qu'il n'a pas été serviable envers eux. Hadith rapporté par Muslim. Une fois, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, affirma que montrer de la désobéissance aux parents est un péché majeur. Rapporté par Al-Bukhari. Le jour du jugement, Allah le Très-Haut ne regardera pas ceux qui désobéissaient à leurs parents. Hadith rapporté par Nasa'i. Allah, qu'il soit glorifié, retarde le châtiment de tout péché pour le jour de la résurrection, excepté la désobéissance aux parents, pour laquelle il punit le pécheur dans ce bas monde, aussi bien que dans l'au-delà. Hadith rapporté par Al-Hakim, avec une bonne chaîne de narrateurs. L'islam ordonne aussi aux musulmans d'accomplir des actes de bonté envers leurs parents, même après leur mort. Lorsqu'un homme demanda au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'il y avait encore un acte de bonté qu'il pouvait accomplir envers ses parents après leur mort, le messager lui répondit: oui, il y en a. Invoque les bénédictions d'Allah sur eux. Implore Allah de leur pardonner. Accomplis leurs dernières recommandations. Unis les liens de parenté dont ils sont à l'origine et honore leurs amis. Hadith rapporté par Abu Daoud.